Vous savez, ce n'est pas mon style. Les larmes entre les cils, les injures entre les dents. Mais cette petite imbécile, je trouve ça difficile, m'a laissé en plan. Vous irez la voir de ma part, lui dire que depuis son départ, ça va plus en moi quelque part, et aussi que moi sans elle. C'est un épervier sans les ailes. Je peux plus voler, m'envoler. C'est l'Afrique sans les gazelles. Répétez pour voir si tout le monde s'en rappelle. De ta part, son départ quelque part. Toi sans elle, sans les ailes. Trouver le pays et la ville, trouver son domicile, il y a des routes et il y a des gens, des maisons, des rues, des îles, c'est pas très facile, c'est pas si. Sous mon toit sans elle, c'est un vieux moulin sans les ailes. Je voudrais voler, m'envoler, droit sur l'Afrique et les gazelles. Répétez pour voir si tout le monde s'en rappelle. De ta part, son départ quelque part. Toi sans elle, sans les ailes. C'est un vieux moulin sans les ailes.